Après 7 ans, vous prenez conscience du phénomène de l'intelligence. Après 14 ans, vous en devenez, vous rentrez dans la puissance de cette intelligence. Mmh. Et à 21 ans, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Okay. Mais c'est une progression. Mais les hommes n'ont pas nécessairement à vivre des cycles aussi longs, mais ce sont des cycles, ça. Je vous remercie infiniment, Bernard de Montréal. À la deuxième partie.